Les hommes rassemblés devant le petit bois discutèrent brièvement. Ils laissèrent les mules et s'enfoncèrent dans les taillis entre les arbustes serrés. Même les chiens eurent bien du mal à les suivre dans ce fouillis. Anna avait la tête qui tournait. La faim, la fatigue et les bras en l'air l'affaiblissaient. Dans un effort surhumain pour ne pas s'évanouir, elle parvint à nouer solidement la longe à la sangle. À force de faire des nœuds de toutes sortes pour attacher solidement une multitude de choses ensemble, elle était passée maître dans cet art. Cela fait, elle se reposa un peu, avala le dernier bout de carotte qui lui restait et entreprit de passer la sangle autour de sa taille et de ses épaules. Avec la cordelette, ça aussi son grand-père lui avait appris, elle fabriqua un étrier coulissant. Voilà qu'elle ressemblait à Nan ainsi harnachée. Elle sourit à cette pensée. Nan, cria-t-elle, surtout ne bouge pas! Tu m'entends? Elle tira sur la sangle de plus en plus fort. Mais Nan n'avait pas compris et fit un pas en arrière. Non, Nan! Oh! Fais ton têtu, ta mauvaise tête! Ne bouge pas! Pense à Elena! C'est tout ce qu'elle avait trouvé pour lui faire comprendre ce qu'elle voulait. Et il sut ce qu'elle voulait. Il coucha ses oreilles sur son encolure, plia légèrement les postérieures, bloqua ses antérieures dans la terre meuble et releva la tête. Dans cette posture, rien, absolument rien, ne pouvait le faire avancer ou reculer, sauf peut-être une petite friandise. Nan, bien arrimée sur ses sabots, ne fit plus un mouvement. Anna agrippa la sangle des deux mains, les pieds sur la paroi, heureusement pleine d'aspérité, et grimpa jusqu'à hauteur de l'étrier improvisé. Tiens bon, Nan. Elle y enfila le pied gauche, celui qui avait gardé sa chaussure. Elle tira de toutes ses forces des deux bras pour s'élever. Son pied droit la maintenait en contact avec la roche, tandis que son pied gauche poussait vers le bas. Lentement, elle s'éleva dans les airs, dans un va-et-vient de bras et de pieds. Elle ânait sous l'effort, la sueur perlait sur son front, malgré la fraîcheur qui régnait. Les hommes avançaient péniblement en ligne, les chiens jappaient tant les fourrés épais, hérissés, blessaient leurs coussinets pourtant bien poilus. Si l'homme le plus habile et son border collie avaient bien trouvé le point d'impact et la piste de la jeune fille, ce n'est pas pour autant qu'ils en découvrirent la trace. L'odeur était là, mais point d'Anastasia. Cela devenait un mystère. Anna avait des étoiles dans les yeux. Elle s'arrêta un instant, crevée. Elle devait, il fallait continuer. Combien de temps un baudet, même très têtu, pouvait tenir un tel poids sans bouger? Vas-y, Anna, encore un effort, dit-elle à haute voix. Tu y es presque. Il restait peut-être 1 mètre au-dessus d'elle. Elle voyait Nan tendue, les narines frémissantes. Elle reprit sa difficile montée et ses forces diminuaient à vue d'œil. Ce fut le moment le plus difficile, le plus dur de toute son existence. Les jambes de Nan commencèrent à trembler sous l'effort continu, lui aussi fatigué. Les gestes d'Anna devinrent de plus en plus courts. Elle progressait maintenant de 10 cm en 10 cm. Les muscles de ses bras et de sa cuisse gauche s'asphyxiaient. Bientôt, ce serait la crampe. Pendant un instant, elle ferma les yeux, se plaqua contre la roche, laissa ses deux jambes droites au repos. Elle respira lentement et profondément. Puis avec la dernière énergie, celle qui vous dit que c'est cela ou la mort, elle parvint au sommet du gouffre. Un rebond l'empêchait de se redresser. Elle n'en avait d'ailleurs plus la force. Nan, dit-elle d'une voix tremblante, recule maintenant. En arrière, mon âne. Allez, en arrière. Nan était bien heureux de pouvoir bouger. Ce n'était pas qu'un homme pesé trop lourd. Il portait des choses bien plus lourdes d'habitude. Mais ses jambes étaient raides et douloureuses. Avec entrain, mais prudemment, il recula. Anna lui avait appris comment faire, sans voir, juste à sa voix. Oui, bien, Nan. Encore un pas. Très bien, Nan. Tu es presque sur la bande de terre. Allez encore, Nan. Tu es un brave. Dès qu'il sentit ses pieds bien assurés, il recula franchement et tira Anna hors du trou. Elle n'avait plus la force de l'aider et c'est donc à plat ventre, le nez dans la terre et les cailloux, qu'elle atterrit sur la terre ferme. Elle resta ainsi, immobile. Un peu inquiet, il s'avança vers elle et vint souffler sur sa joue, appuyant son nez tout doux contre sa tête. Anna était dans les pommes. Il resta là, à attendre. Elle ne sut jamais combien de temps elle était restée inconsciente, mais la première chose qu'elle vit en se réveillant fut la grosse tête de Nan penchée sur elle et les longs poils soyeux qui lui chatouillaient la joue. Elle s'en était sortie. Elle n'avait plus la force d'exprimer sa joie en criant, mais elle aurait voulu le faire. Elle s'assit et prit gentiment la tête de Nan entre ses mains, lui donna des bisous bruyants et lui caressa les oreilles. S'agrippant au harnais, elle se mit debout, elle enlaça son cou en murmurant, on s'en est sorti, tu es le meilleur, Nan, je t'offrirai toutes les friandises du monde, que cela plaise ou non à maman. Plus jamais elle ne t'embêtera, je te le jure. Et plus jamais je ne partirai là-haut le ventre vide, et toi non plus. Et j'irai choisir un bon chien avec qui tu t'entendras bien. Hein, Nan, tu es d'accord? Bien entendu qu'il était d'accord, surtout pour toutes les friandises du monde. Toutes ces effusions passées, Anna, appuyée sur l'encolure de Nan, se rendit compte que le soleil était très bas sur l'horizon. Il devait être tard, près de 20 h 30. Ses vêtements étaient presque secs. Le vent était assez fort et transportait toujours cette odeur qu'elle ne connaissait pas. Par curiosité, elle s'avança jusqu'au bout du bout. Et là, un spectacle incroyable et magnifique s'offrit à sa vue. La mer bleue s'étendait à perte de vue devant elle. Un soleil énorme et rougeoyant se mourait dans le lointain de longs filaments orange, rouge et violet, lui dessinait une chevelure délicate. Et là, juste en dessous, une plage de sable ocre, scintillant de 1 000 paillettes d'or et d'argent. Elle en eut le souffle coupé. Elle en avait entendu parler à l'école, mais jamais elle n'aurait pu croire qu'une telle merveille et qu'un si grand espace puisse exister. Et l'odeur, cette odeur piquante et vivifiante à la fois, c'était éblouissant de beauté. Elle qui ne connaissait que la terre étriquée du milieu, les pentes escarpées d'en haut ou le village d'en bas entouré de collines. Elle revint vers Nan. Ce sera notre secret, Nan, quelque chose que seuls toi et moi partagerons. Les yeux pleins de rêves, elle se hissa sur le dos de Nan et ils se mirent en route. Elle laissa Nan prendre son chemin. Il savait toujours où et comment rentrer à la maison. Après 2 heures de marche, ils arrivèrent enfin à la maison, dans la pénombre, sous une grosse lune claire. Sur le pas de porte, son père et sa mère virent arriver un drôle d'équipage. L'âne tellement poussiéreux qu'il en était tout blanc, et Anna, couverte d'ecchymoses, d'écorchures sanglantes, de terre noire dans ses vêtements crasseux et balafrés, pâle à faire peur, des lambeaux de tissu à fleurs entourant ses mains, une chevelure de sorcière pleine de choses improbables. Sans un mot, Anna se laissa glisser du dos de son amie. Elle pénétra dans la maison sous le regard ébahi de ses parents, prit quelques carottes, une pomme, du pain, du fromage, des tranches de lard fumé, et enfourna le tout dans ses poches. Elle ressortit, toujours sans un mot, s'empara d'une botte de paille, l'étala sous l'auvent et s'installa aux côtés de Nan pour un dîner long et savoureux. Ils se régalèrent tous deux, sans prêter attention aux foules de questions qui fusaient. Repus, épuisés, ils s'endormirent d'un coup sous le rayon pâle de la lune. Jamais les hommes ne trouvèrent l'entrée du trou. Bien des années plus tard, Anna apprit d'un ancien que des contrebandiers et des voleurs avaient creusé un long tunnel, mais que celui-ci s'était effondré sur les bandits à l'occasion d'un déluge. Plus jamais elle ne laissa sa mère, avare, lui refuser quoi que ce soit pour Nan. Jamais elle n'oublia la mer. Il lui arrivait d'ailleurs d'y retourner, en secret, mais par la surface cette fois. Elle était même descendue sur la plage grâce à Nan, et pieds nus avait savouré cet instant de pure grâce. Elle trouva un joli chiot qu'elle éduqua elle-même. Ils devinrent les meilleurs amis du monde et le trio le plus célèbre de tous les villages. Nan fut couronné l'âne le plus courageux des trois vallées. Hi-han! C'était la fin d'une aventure extraordinaire de l'auteur Li Kaon.